Amis du monde, amis des ondes, bonjour et bienvenue dans ce cargo culte. Un cargo culte en costume aujourd'hui. Alors en costume de lune, c'est beau hein, même en français de traduire Tuxedo Moon en costume de lune. Tuxedo Moon, c'est le groupe du jour. Voilà, et bienvenue dans ce cargo culte. Alors, je me plais vraiment à le faire, parce que j'ai écouté Tuxedo Moon comme on lit du Rimbaud, si vous voulez. Il y a une filiation romantique, d'ailleurs, à faire entre peut-être les deux attitudes. C'est pas les deux mêmes époques, c'est pas les deux mêmes médiums d'expression, mais quand même, finalement. Enfin, non, pas trop vite. Tuxedo Moon, Desire. Désir, en français. Le bien nommé. C'est le deuxième album du groupe et c'est, j'ai envie de dire que c'est déjà un album définitif après un premier album qui était peut-être aussi lui-même définitif. Tuxedo Moon a vraiment gagné un culte quasi immédiat, tant pour son background que pour l'opiniâtreté de ses compositions. Quoi. Le premier album est d'une maturité complètement exceptionnelle, il s'appelle Half Mute, à demi-muté. Alors pourquoi demi-muté ? Parce qu'effectivement, il est mi-chanté, mi-instrumental. Mais quand bien même on était dans des structures strictement instrumentales ou alors des structures chantées, finalement, il y avait une concomitance permanente entre de l'expérimentation et de la mélodie. Et ce premier album, Half Mute, arrive à exposer en 1980 un disque comme ça, très, très bigarré, quoi. Assez kaléidoscopique, avec des clins d'œil permanents comme ça. Et un disque qui pouvait s'écouter un peu de manière... un peu foutraque, finalement, qu'on pouvait écouter en commençant par la fin, en commençant par le début, en rebondissant au milieu, dans l'ordre qu'on voulait. Desire, qui va lui suivre, c'est un disque qui, au contraire, lui, est très cinétique et qui est finalement assez linéaire. On peut pas prendre un morceau au milieu du disque en ignorant le morceau qui le précède ou le morceau d'après. Alors ça paraît bête de dire ça, c'est-à-dire le coup du film imaginaire et d'une bande-son comme ça qui va s'écouter in extenso, mais finalement c'est pas un concept qui est dans l'air strictement beaucoup à l'époque, spécialement dans des champs post-pop, new wave, post-punk, etc. etc. Alors on peut ajouter toutes les définitions qu'on veut hein, sur le truc. Hein. Mais à l'évidence, ce disque comme ça crée un bloc, une volute permanente et demande à s'écouter dans, je pense, dans son entièreté. Alors voilà, je commence tout de suite en définissant ce disque avant de définir le contexte. Et c'est très intéressant quand même maintenant de revenir un petit peu en arrière et savoir d'où vient Tuxedo Moon. Scène de San Francisco, la capitale de la Bohème, hein, s'il en est, si vous voulez. Capitale de la Bohème, certes, mais aussi comme les New York à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est dans deux villes où les loyers sont très peu chers. Et où il est assez facile pour une communauté, alors à l'exemple de New York, de se retrouver dans un loft, si vous voulez, et puis partager un loyer très peu cher en y installant une scène arty, un studio et que sais-je encore. Et de la même manière, le truc va fonctionner peut-être mieux encore à San Francisco, notamment en récupérant des immenses demeures victoriennes d'une quinzaine de chambres pour des petits loyers totalement ridicules. C'est exactement le cas de ce qui va animer les personnalités de Tuxedo Moon. Alors justement, venons-en. Une personnalité principale, enfin c'est un trio Tuxedo Moon. Alors, trio étendu avec un chanteur satellitaire qui est là et puis pas là, mais qui est là et revient. Ce chanteur, c'est Winston Tong. Il a très fort charisme et apporte beaucoup à Tuxedo Moon. Mais en fait, le cœur du groupe, c'est trois musiciens, dont peut-être l'un est strictement musicien. Les autres sont plus des performeurs, au sens théâtre et au sens performatif où on peut l'entendre à San Francisco à ce moment-là. Et puis globalement dans les avant-gardes américaines. Alors Stephen Brown, lui, il chante un peu, mais joue du saxo, principalement soprano, mais aussi de l'alto. Il doit toucher un peu de clavier une fois ou deux sur l'album. Figure très charismatique du groupe, Blaine Erlinger, violoniste. Tuxedo Moon a réussi à rendre le violon sexy dans la New Wave quand même. Excusez-moi du peu, c'était pas gagné sur le papier. Formidable violoniste, hein, Blind Honeycutt. Expression simple, limpide, très belle. Bon, guitare, keyboard aussi, enfin, ces gens touchent un petit peu à tout aussi. Et ils chantent pas mal. Peter Principle, c'est le plus discret du groupe, c'est le moins performatif, mais croyez-moi, c'est le ciment. Un bassiste, un énorme bassiste. Le meilleur son des années 80 à la basse est celui de Peter Principle. C'est un gars du son, c'est un gars qui bidouille dans la production, c'est lui qui est le plus à l'œuvre. Il touche aussi au synthé, à la guitare. Et puis les drums. Enfin, les drums programming, attention. Non. Pas de drums au sens batteur. Justement, ça va faire partie des premiers groupes issus du post-punk qui vont éjecter le batteur. Et croyez-moi que éjecter un batteur et prendre le risque de monter sur scène sans batteur en 1978-79, c'est juste complètement casse-gueule. Parce que c'est parce qu'il faut du lead, parce qu'il faut un truc sur scène qui va donner la pulsation. Vous imaginez les Ramones ou sans batteur? Oh, ce serait bien, en fait. Donc voilà, Tic Tic C'est The Moon est un de ces groupes qui a été au casse-pipe, disons-le, mais au casse-pipe sur une scène de toute façon qui, en passant du punk au post-punk, tout ça c'est joué sur quelques mois à peine, avait aussi besoin de râler, de contester, etc. Je pense que le groupe s'est moins pris de canettes sur la figure que Suicide à ses débuts à New York, mais on n'est peut-être pas si loin que ça. Pour ça, pourquoi? Parce que justement, d'emblée, Tic Tic C'est ne va pas du tout se revendiquer du rock. D'emblée, Tic Tic C'est va se poser comme un groupe au romantisme froid, mais totalement stylé. Et justement, en mettant en avant un instrumentarium qui n'est pas forcément commun dans la musique de l'époque. Le groupe va débuter au Deaf Club. Alors, Deaf Club, il faut l'entendre comme Deaf, littéralement sourd. C'est génial, parce que le Deaf Club, comme même ça s'écrivait comme la mort, était effectivement un club dédié aux sourds. C'est fabuleux, non? Si vous n'avez pas de batterie. Voilà, alors il y avait quand même des basses hein, qui pénétraient un petit peu les corps et qui, du coup, s'adressaient à ce public-là. Quoi. Ça fonctionnait. Les membres sont tous issus de, je vous le disais, de communautés. Celle de Steven Brown est intéressante. Il a œuvré à la toute fin des Angels of Light, les anges de la lumière. Les anges de la lumière, ça faisait partie de ces, j'allais dire le mot tribu, mais pas si loin que ça. En tout cas, de communautés d'artistes performatifs, gays, lesbiens, mais là, spécialement gays, c'était en fait pratiquement que des gars, et qui, bien sûr, jouaient du travestissement, mais attention, hein, dans une expression absolument belle, incroyable, en se réappropriant des standards de la culture américaine, en les décodant et les recodant sous l'angle, bien sûr, de l'homosexualité. Tout ça dans la ville où on peut le faire sans crainte, au cœur des années 70, évidemment, San Francisco. Mais finalement, sorti de là, l'exercice est casse-gueule, à la fin des années 70. Et ma foi, il peut s'avérer casse-gueule aussi après et sous d'autres temps, hélas. Mais toujours est-il que San Francisco, c'est quand même une scène toute gagnée à ce genre d'expression-là. C'est une scène toute conquise au métissage, finalement, de tout genre. Et j'ai envie de dire tant mieux, quoi. En un sens, cette scène-là, elle s'autosuffit. Il y a énormément de groupes de San Francisco, enfin énormément, disons qu'il y en a pas mal, dont le culte n'a pas dépassé San Francisco et qui mériterait vraiment lumière. Dans cette émission, j'ai parlé de Factice ici un jour, il y a eu très peu d'écho. Et pourtant, je pense que le groupe était important et a signé un disque fabuleux, mais là, pour le peu, il n'y a pas eu de rayonnement. Parce que ce n'était peut-être pas la peine, quoi. Un moment, quand la scène est confortable d'elle-même, quand on peut produire, diffuser, rayonner dans une simple ville et tourner tout le temps, c'est peut-être suffisant pour plein de choses. Ce qui va définir Tic Tic C'est The Moon, après que j'ai campé cette humeur finalement typiquement et emblématique de San Francisco, c'est justement pas l'origine, c'est l'exil. C'est l'émancipation dans une forme d'exil. Et ça, j'y viendrai peut-être davantage dans un deuxième temps. Et on va se remettre peut-être dans l'ici et maintenant qui va fabriquer Tic Tic C'est The Moon et spécialement les deux albums dont on parle aujourd'hui. Enfin, on parle du deuxième, c'est celui qu'on écoutera, mais j'évoque forcément le premier. Et ça commence bien, ça commence sous les auspices de la divinité obscure et sombre de San Francisco. Ça commence sur le label des Residents, Ralph Records. Les Residents, c'est colossal. C'est colossal, mais ça fait ombre aux gens qui sont hébergés sur le label. Ralph Records va rayonner pour les productions des Residents, ça va de soi, celle du copain toujours des Residents, Snakefinger, hein, au point où l'un et l'autre se mêlent, hein, ça va de soi. Mais les groupes importants qui vont sortir de Ralph Records et de l'œuvre de Ralph Records vont très vite s'émanciper de voir tuer le père. C'est le cas de Tux and the Moon dont on parle aujourd'hui, c'est aussi le cas notoirement, peut-être encore plus notoirement, de Yellow, le duo suisse, qui va signer pareillement deux albums chez Ralph Records, mais qui va définitivement s'émanciper en quittant le label. Ouais, en psychanalyse, ça s'appelle tuer le père. Ralph Records, donc, est un premier jet absolument génial. Ce disque est fabuleux, devenu rare aujourd'hui. C'est une compilation qui, finalement, va dérouler ce qui devrait être, après, les projections futures du label, quand en 79, ou au pire en 80, mais tout début 80, va sortir un album justement hommage, non c'est en mai 1979, voilà, soyons précis, que Ralph Records va sortir une compilation qui s'appelle Subterranean Modern, où justement vont apparaître quatre groupes de l'écurie. Alors la Reason sont en tête, ok, certes, mais aussi MX80 Sound, le groupe rock, entre guillemets, hein, de l'écurie Ralph Records. Chrome, qui se promet à signer en fait sur le label, mais qui en fait le fera pas. Et justement, probablement de façon opportune, puisqu'il sera, Chrome sera signé directement en Angleterre sur Beggar's Banquet et connaîtra un rayonnement, justement, là encore, hors du label mère. Et puis bien sûr, j'y viens, les Tux and the Moon eux-mêmes. Et on est là un petit peu au début de ce carrière discographique qui va, croyez-moi, aller en façon exponentielle. Comme tout disque issu de chez Ralph Records, et spécialement sous l'hégémonie des Residents, il y a toujours un concept, et puis un concept malin. Le Subterranean Modern est un disque qui veut rendre hommage à San Francisco et qui va le faire par la chanson mythique qui chante les louanges de San Francisco. C'est le fameux « I left my heart in San Francisco », chanson de Tony Bennett. Voilà, voilà, chaque grande ville comme ça avait son hymne. Voilà, I left my heart in San Francisco, il y avait New York, Chicago, voilà. Tout ça qui avait été chanté par les plus grands, voilà, Minnelli, Sinatra, Dean Martin. Et donc là, Tony Bennett pour son I left my heart in San Francisco. C'est ce qui va se passer avec le groupe, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que Tux and the Moon va, entre guillemets, laisser son cœur à San Francisco. Et puis, je vous le disais, trouver peut-être inspiration et définitivement s'envoler dans une errance. Errance qui va passer par l'Europe. Et c'est là que le groupe va s'accomplir vraiment. D'ailleurs, il n'y a pas de tube. Là où Al Smith, je reviens sur l'album premier, contient des classiques. Mais par contre, il y a ces émeurs quasi cinématographiques, ces titres qui s'enchaînent les uns les autres, ne serait-ce que les trois premiers. Il y a le tout premier track du disque dure quasiment un quart d'heure. Mais cette track-là, c'est en fait la réunion de trois titres dont l'un est lui-même sectionné en deux, donc on pourrait dire quatre titres et quatre humeurs différentes comme ça dans un long titre. Et quand ensuite, bien sûr, un autre va s'ajouter à ça et fournir un album complet sur 40 minutes, standard de l'époque. Mais voilà que va arriver l'exil. Là où ça pourrait être difficile pour un groupe, les trois personnages décident de partir en même temps. Pourquoi ? Politiquement, Tux and the Moon est un groupe qui s'engage politiquement. C'est pas strictement un groupe militant, c'est pas frontal, mais attention, il y a du message quand bien même il est crypté derrière. Et il y a une espèce de prémonition de ce que va devenir l'Amérique de Reagan, qui est un truc qui débecte complètement le groupe, et qui va saisir l'opportunité de partir en Europe. Mais c'est une opportunité un petit peu hasardeuse. Du coup, le disque dont on parle aujourd'hui, d'ailleurs, va se faire à Londres, enfin à côté de Londres, dans le Surrey. le département qui est à côté. Il y a un studio, j'ai oublié lequel, mais enfin, qui héberge quand même des choses intéressantes. Il va y avoir une production assez fine, assez excellente de ça, pour prendre un petit peu de temps. Et suite à ça, le groupe va rayonner depuis le Benelux, depuis la Belgique. Alors, la Belgique est avec une étape, Rotterdam, Amsterdam, et connaît des moments totalement intenses. Et ça, bah, alors, je propose qu'on y vienne après, parce qu'il y a des... La vraie définition de ce groupe, c'est effectivement, c'est une forme de born again. Alors, attention, dans ce mot-là, il ne faut surtout pas y entendre l'acceptation qui est en général accolée à ça, hein, strictement américaine, le born again. Mais on pourrait dire que c'est effectivement un envol. Premier grand déploiement d'elle de Tixo de Moon, quand bien même, je répète, hein, le premier album est absolument fabuleux. Un classique instantané, c'est quelque chose qui est rare, quoi. Et puis attention, une musique qui n'est pas... Elle n'a jamais été difficile, la musique de Tixo de Moon, mais par contre, elle est exigeante. Et elle convoque des références. Elle appelle la poésie. En un sens, elle est déjà européenne. Je parlais de Rimbaud tout à l'heure, les mots m'échappaient, mais finalement, voilà. Hein. Les symbolistes prenaient enfin le pouvoir derrière la basse pulsative absolument magique de Peter Principle, le violon, lui, lyrique de Blaine Redinger et les envolées saxophonisantes, plus la voix de Stephen Brown. Bienvenue dans ce disque, quoi, nul autre pareil. La voix de Winston Tong est là aussi. Il faut convoquer aussi ce membre satellitaire qui est très important, qui a donné une identité forte quand même au groupe, quand bien même il n'est pas strictement dans le noyau. Et tout ça, finalement, donne une superbe envolée. Croyez-moi, ces 40 minutes glissent comme ça, comme un long poème, et on ne s'en lasse pas. C'est Cargo Cult, Tixo de Moon, d'ailleurs, cet album mythique donc, de 1981. Bonne écoute, on se retrouve dans une quarantaine de minutes.

stream highs, rolled back in pain from unconsidered sources. The waves of shock when you realize where you've been, faces you slighted. Raised in the hours like you do that self-marauding edge of ineptitude that calls it all back. One last questioning. Deception for granted, trying to dance. Just a dance, an immortal ghost. Trying to dance, victims. Just an immortal ghost. Victims of the dance. Who fall and recover? And fail to discover first things first. With an unquenchable thirst, we dream and let's sisters too. Everyone's too well dressed, too friendly, and too we serious. You're too serious. Sandra, to in a powder blue suit, with eyes that slice you through. The cut of his clothes was strange indeed, 100 years too soon. A passing stranger with no business here, a rest stop on a voyage through time, a rest stop. A passing stranger in a dream we had, the man with a patented face, the one with the telescope eyes, the man who walked away. Sometimes I want to die in my bed. All I can think about is when are we leaving. Every time I think of you, I want a cigarette. Man chooses himself, hero with a thousand faces. It's the third night and the walls are shaking. Boys buying boys, pleasure bringing pain, it's all the same. I put my hand by my mouth so I know I'm so still breathing. So we joke about the TV set, calling it the eye of hell. I would love to have people see what I see. I would love to be a pillar of strength in my community. A little order, a little grace, something new to fill up this place. Live a thousand lives by picture, mark this song's for you. Don't think, go by, I'm a lousy lover, I give and never take. Makes you go where you can't go, makes you want what you can't have. You can't have one. Makes you one. You can't have one. Makes you. someone else is new. There's nothing new to say, nothing new to do. But you're still breathing, just like always. You can't manage to spend any time alone, so you found someone you don't really want to see, but they'll understand, they'll just let you be. The heart of man you are, if you want to. Break.

Quelle élégance. Tixedomoon, Desire. Vous pouvez pas faire un nom plus adapté à ça. Et élégant, même dans le sombre. Lumineux, même dans le spleen. Un vrai disque de dandy dégénéré. Je me permets de dire ça de façon un petit peu appuyée. Mon ami breton Pierre, qui comprendra ce que je veux dire, et qui a été quelqu'un qui a pu organiser un magnifique concert. Tixedomoon, c'était en 92 à Rennes. Et l'associer à un festival d'art vidéo dans lequel Tixedomoon ne dépariait pas. Et bien au contraire, parce que justement cette dimension scénique et cette dimension visuelle de Tixedomoon est extrêmement importante. Pour le peu, elle s'enracine dans ce passé de San Francisco, hein, avec les troupes que je nommais tout à l'heure, avec cet art performant, cette théâtralité qui est vraiment forte là-bas, dans les années 70. Et puis ça débordera, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est cet aspect apatride et exilé, un exil volontaire, certes, du groupe, et qui, là où pour le commun d'un groupe, finalement, ça pourrait poser difficulté, au contraire, ça n'a été que des successions d'impulsions, d'envols et de rencontres totalement magiques. L'Europe chez Tuxedomoon, le disque a été enregistré à Londres, enfin tout à côté de Londres, mais c'est vraiment l'Europe et spécialement la Belgique qui vont être le rayonnement et le point d'ancrage du groupe. Quand le groupe quitte le San Francisco, donc en ayant vécu un peu à Londres, enregistré à côté, passé par la case Rotterdam, il se trouve que Peter Principal a une petite copine là-bas, et finalement s'enraciner à Bruxelles, ça va être une succession de points de chute où Bruxelles va devenir un petit peu un rond-point. Et c'est pas tant Bruxelles que finalement un label absolument fantastique qui va être la maison, qui va devenir la maison mère d'ailleurs du groupe après. Et puis c'est pas n'importe quel label, c'est le label Crammed Disc. Crammed, comme on dit en France. Crammed Disc, c'est Marco Lander, hein, le fondateur d'Axac Maboul, qui fonde ce label-là. Et quand il va accueillir le groupe, ça va être dans cet envol. Hein, comme je vous le disais, c'est Ralph Record qui signe les deux premiers albums. Ce qu'on vient d'entendre est chez Ralph Record. Alors, il était, puis il l'est plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Crammed Disc a carrément créé un sous-label qui s'appelle Crammed Boy et qui est dédié entièrement aux productions de Tuxedomoon. Et croyez-moi, il y en a eu pas mal. Et ils ont donc récupéré la licence des deux premiers disques, du premier single, No Tears, je n'en ai pas parlé, mais c'est dans cette jeunesse punk, hein, enfin, juste post-punk du groupe, c'était un groupe un petit peu important, justement, dans lequel Winston Tong, le chanteur, avait donné de la voix. Et voilà que les bien nommés apatrides Tuxedomoon, finalement, vont trouver terre d'accueil en Belgique. La Belgique du tout début des années 80, croyez-moi, c'est... Enfin, il se passe des trucs vachement mieux qu'en France, il n'y a pas photo, quoi. Le Benelux, non seulement avait ses propres... En interne, il y avait... ça donnait. On y reviendra, on a déjà parlé du truc, mais croyez-moi, on y reviendra dans Cargo Cult. Mais il y avait aussi cette capacité à aimanter, justement, un groupe lointain de San Francisco ou d'ailleurs. Et ça, Crammed Disc le marquera tout à fait bien. Tuxedomoon, c'est le son d'une mondialisation réussie. C'est le journaliste Bester à Gonzaï, en France, qui dit ça. J'aime beaucoup ce mot-là, une mondialisation réussie par Tuxedomoon. Ce sont des exilés, un exilé discal. Cet caractère apatride de Tuxedomoon va finalement beaucoup leur servir, mais au point où, si vous êtes apatride, vous pouvez finalement pratiquement être récupéré par tout le monde. Il y a un film, pas génial, mais c'est bien de le voir quand même, c'est Downtown 81. Downtown 81, c'est ça dit bien le titre. C'est un film qui est sur les traces de Jean-Michel Basquiat. C'est un docu. Et on y voit toute la scène Downtown New York du moment. Jam Chance, Lydia Lunch, Arthur Lindsay. Ouais, j'en passe, c'est des meilleurs. Et tout ça suivant, effectivement, le vrai Basquiat de 81. On le voit aussi avec son groupe, document rare d'ailleurs, parce que le groupe Grey, dans lequel jouait Basquiat, a très très très peu de documents. Et Downtown 81 montre ce Basquiat, effectivement, qui est à la frontière de cet art de rue et qui va devenir après une immense star des galeries. Enfin, on ne ressent pas à l'histoire, mais effectivement, Basquiat va devenir ultra bancable dans les années qui suivent et mourir rapidement d'une overdose. Alors, le film raconte ça. Et évidemment, la musique est plus qu'importante, elle est vitale. Donc, au milieu du film, pourquoi donc, croyez-moi qu'on l'ignore, au milieu du film, une scène où on voit le groupe Tuxedomoon en studio jouer par un morceau de l'album qu'on écoutait là. Et en l'occurrence, Desire, le titre éponyme de l'album. Qu'est-ce que cette scène fout là ? Je n'ai pas la réponse. Le groupe est de San Francisco, il part, il enregistre à Londres, il va s'installer en Belgique. Au milieu de ça, pour parler de la scène de Downtown New York de 1981, une scène d'un groupe qui a jamais mis les pieds à New York. Incongru ? Ah oui, probablement. Faute de casting. Mais en fait, dans le film, ça passe extrêmement bien. Ah oui, parlons du peu. Toute la bande son est très bonne. Donc pourquoi pas y mettre Tux et the Moon ? Mais justement, groupe étant apatride, pourquoi pas l'associer à la scène no wave new-yorkaise ? Je le disais en début d'émission, les deux villes sont encore des capitales de la bohème, si vous voulez, où les collectifs d'artistes se font et se défont avec des rencontres, des collisions, des fusions absolument exceptionnelles. C'est un moment fort. Donc, quand bien même Tux et the Moon n'est pas de New York, ils en font partie. Et quand bien même Tux et the Moon n'est pas européen, ils le deviennent. Et quand bien même Tux et the Moon ne sont plus américains, ils le restent. Bref, Tux et the Moon est partout. C'est formidable. Le groupe va se relocaliser dans pas mal d'endroits, mais au point où l'Europe va être après une autre extension de différentes destinations. En les revoyant au printemps 2004, je me rappelle, il y avait un reboot du groupe. Le groupe, en fait, a duré longtemps, mais il a été essentiellement actif dans les années 80. Il y a eu une mise en sommeil, au point qu'on pensait que le groupe n'existait plus, dans les années 90, et un reboot formidable en 2004. Et avec plusieurs titres qui se sont succédés, des albums, toujours donc Cram Disc, puis cette entité Cram Boy, là, qui devenait la figure accompagnatrice du truc. C'était plus seulement un label, c'était un giron, quoi. Et puis plusieurs tournées, donc Paris a accueilli le groupe souvent, et ça c'était chouette. Paris, et puis bien d'autres endroits. Mais en 2004, en voyant les membres, j'étais amusé de savoir où tout le monde était. Stephen Brown vivait au Mexique. Il y a un temps dans le désert même du Mexique, avant de se relocaliser à Mexico elle-même, donc The Capital, quand même. Peter Principal, lui, à New York. Sachant que Peter Principal est d'origine new-yorkaise, en fait. Mais voilà, il était revenu là, il travaillait comme un G-son. Hein, c'est l'homme du son, hein, du groupe, hein, je l'ai dit, toutes ces petites trouvailles de Phil Recordings, quasiment musique concrète injectée dans le titre qu'on a pu entendre là, et dans à peu près tous les morceaux de Tux and the Moon. C'est la patte de Blaine Ringer. Non, c'est la patte de Peter Principal. Et Blaine Ringer, lui, donc le violoniste, chanteur, c'est une figure assez forte, hein, du groupe. C'est peut-être celle qui est la plus visuelle, la plus charismatique. S'était retiré en Grèce. Et me confia-t-il, c'était même en aparté, c'était hors interview, ça, sur l'île de Lesbos. Avec un clin d'œil comme ça, appuyé. Ceux qui connaissent Blaine Ringer comprendront peut-être l'incongruité et l'ironie que Blaine Ringer se retrouve sur l'île de Lesbos. Il y travaillait comme journaliste, figurez-vous. Un localier. Ce qu'on appelle un localier, c'est quelqu'un effectivement, qui va faire la tournée des faits divers sur des quotidiens. Et puis, ma foi, le soir, après avoir fait la tournée des popotes, en général auprès des commissariats, puis de quelques endroits comme ça, qui va faire un rapport circonstancié ou pas de ce qui a pu se passer d'un niveau strictement local. Et ici, l'île de Lesbos. Une de ces îles, comme il y en a des centaines, en Grèce. C'est là que vivait Blaine Ringer. Enfin, je crois que plus maintenant. Le groupe Aïe, hélas, là oui, n'existe plus. Peter Principal est mort. C'est un mort jeune. Hein. Et il n'y a pas très longtemps, en 2017, me semble-t-il, ou 2017, et né en 1954. C'est... Bref, ouais, oui, fait un peu mal. Mais, entre-temps, voilà, Tux et the Moon avait laissé... Épital le Phénix, hein, renaissant de ses cendres et puis s'épanouissant dans l'exil. Le groupe n'a cessé comme ça de laisser des petits cailloux sonores, quoi. Je reviens sur ce début de belgitude. Ça commence avec Cram va accueillir le groupe et très durablement. Et je crois que le tout premier jet... d'ailleurs, les premières expériences belges du groupe ne sont pas même chez Cram, d'ailleurs. Tiens, ce qui me revient, c'est sur les disques du Crépuscule, un autre label passionnant de l'époque. Et pourquoi me revient les disques du Crépuscule ? C'est parce que Blaine Ringer, le violoniste du groupe, avait fait un album qui s'appelle Broken Fingers. Broken Fingers, pourquoi ? Parce que lors d'une rixe à Amsterdam ou à Rotterdam, je ne suis plus sûr exactement de la place, lors d'une bagarre qui tourne mal, Blind Reninger a les doigts cassés. On parle d'un violoniste. Donc c'est un disque complètement exutoire et cathartique, dont la pochette elle-même, la couverture du disque, reproduit une radiographie de la main de Blind Reninger après cet accident. Donc il y a chez Tuxedo Moon de la douleur, il y a du spleen enfoui, puis parfois qui jaillit, mais toujours avec cette fulgurance, cette élégance, son dont je parlais tout à l'heure et dont on ne se lasse pas. Quoi. C'est dans la série Mad to Major, donc là je reviens à Bruxelles, je reviens à Cramdisc, que le groupe va lâcher une vraie petite merveille que je vous propose d'écouter maintenant. Et Mad to Major, c'est une encyclopédie dans le label. C'est une série, en fait, qui compte tout ce qui, finalement, ne pouvait pas complètement rentrer dans un champ formel, je sais pas, de musique dite New Wave, No Wave, Wave Wave, truc machin, bidule, world. Il y avait cette chambre anti-chambre qu'avait réservé Marc Hollander à des productions comme ça, un petit peu hasardeuses, alors souvent hors des champs strictement, effectivement, frontaux peuvent être les musiques rock, post-rock, etc., mais plutôt dans des champs de BO de films, par exemple, de musique de ballet, etc. Ça, c'est des genres dans lesquels Tuxedo Moon va pas mal exceller. Et la série qui court jusqu'à aujourd'hui, dont le reboot tout à fait récent d'ailleurs, avec Aksak Maboul, donc vous voyez comme la boucle se boucle après une généalogie qui court sur 50 ans. La série elle-même, rebootée Mad to Major, est inaugurée avec le volume 1 dans lequel participe Tuxedo Moon. Et ce volume 1, c'est une compilation, en fait, dans laquelle il y a, il ne faut pas que je me trompe, mais il y a Benjamin Lou, artiste local, c'est assez intéressant, Minimal Compact, qui va être un petit peu le groupe phare hein, de cette scène, à ce moment-là, qui part de la Belgique. Même le groupe, lui, il est originaire d'Israël. Et alors, je vais en oublier, hein, ça m'arrive à chaque fois, ça, forcément, il y a quatre trucs, je dis Benjamin Lou. Et Tuxedo Moon, tant pis, bien, s'il ne me revient pas, J'aurais bien voulu, parce que c'est bien, c'est... Non, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. On apprendra à vous faire des programmes comme ça, sans prendre de notes. Mais si, c'est probablement Aksak Maboul, eux-mêmes, évidemment. Comment les oublier. Bon. Et conclusion de ce disque, avec un... qui pourrait être un mini de tout petit concept 45 tours qui va comme ça en bout de disque. C'est juste trois titres, ils sont courts, vous allez voir, qui s'appelle Verdun. Et en fait, c'est étonnant. C'est trois titres qui vont mais du chaud-froid, et plutôt du froid au chaud, finalement. Dont l'un est une ritournelle totalement imparable, assez guirette, un peu va-t-en-guerre, mais qui est en fait l'illustration d'un film ô combien dur sur les tranchées de Verdun. Inutile de vous faire un dessin, hein, quelle que soit la façon dont on va parler, les tranchées de Verdun, c'est une boucherie. Et quelle que soit la musique que vous mettiez dessus, ce sera jamais joli. Tuxedo Moon a cette élégance, ce raffinement et cette espèce de jouissance des contraires à créer une musique qui pourrait être presque dansante, faussement guirette, et bien sûr en y distillant des humeurs ô combien sombres. Et le vrai début de Tuxedo Moon en Belgique, finalement, le vrai starter de cette carrière-là, de cette carrière protéiforme, internationale, je pense que ça vient de ça, et de ces trois petits titres que je vous donne comme ça en dégustation. Ce sera notre au revoir du jour. Vous savez qu'avec Tuxedo Moon et leurs compères, il y a tellement à dire que ça ne m'étonnerait pas qu'on y revienne un jour dans Carcocult. En attendant, merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve très prochainement, et pourquoi pas la semaine prochaine, premier juré. C'est au revoir avec Tuxedo Moon, donc extrait de la première compilation Mad to Major, qui date de 1981.